Isanganiro. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi dont voici les principaux titres. Plus de 91 000 élèves de la 9e année école fondamentale sont attendus pour passer le concours national édition 2021 qui commence le 25 de ce mois en cours. Et la crise au sein du parti UPRONA sera résolue via le dialogue et la mise en place des dirigeants issus du consensus, comme le propose Isidore Mbayahaga, un des membres de ce parti. Des habitants de la commune Mouhouta, en province de Lumongue, touchés par l'aménagement d'une centrale hydroélectrique, plaident pour la transparence en ce qui concerne leur indemnité. Voilà pour les titres. Eli Kadoga sur la mise en onde. Vestine Boutou, je suis à la présentation. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Plus de 91 000 candidats de la 9e année de l'école fondamentale vont passer le concours national édition 2021 qui débute le 25 de ce mois. Annonce du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique ce samedi lors de l'internement des enseignants qui vont choisir cet examen. François Abdaliman a précisé que le test donnant accès au poste fondamental se passera dans plus de 950 centres situés dans tout le pays. Le point avec Moïse Misago. Murazi yuko ibiharuro nicigwa gikunda gutera ubwo abanyeshure kandi n'ubwo tagoye. Ces candidats vont passer 6 épreuves, à savoir l'entrepreneuriat, les sciences humaines, les mathématiques, langue 1, Kirundi français, langue 2, anglais Kiswahili, ainsi que les sciences et technologies. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique appelle les enseignants internés à manifester une bonne conduite pour éviter tout cas de tricherie. Le ministre François Habyarimana. Ce concours aura lieu dans 955 centres de passation et l'effectif des candidats qui vont participer à ce concours s'élève à 91 497 candidats. Mais aussi un message, je dirais, de mise au point sur la conduite à tenir dans cet espace pour que l'examen puisse être passé dans de bonnes conditions sans aucune tricherie. Donc, ils sont déjà informés que quand on évalue, on ne doit pas favoriser la tricherie. Donc, ils sont déjà conscients. Nous, ce que nous avons fait, c'est juste pour le rappeler qu'ils doivent manifester, je dirais, l'idéologie à la matière pour que quand même, on ne puisse entendre aucune tricherie dans cet examen. Quant aux élèves des localités inondées, le ministre Habyarimana précise que la commission chargée de préparer cet examen est à l'œuvre pour résoudre toute question qui peut se poser. Ça, c'est une question évidemment qui nous tient à cœur. Mais je dois vous dire que même les lieux qui ne sont pas inondés, certains lieux peuvent être inondés. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une commission nationale chargée de préparer ce concours national et de répondre à certaines préoccupations en cas de besoin. Donc, je dois dire que c'est vrai qu'il y a certains endroits qui sont inondés, mais comme la pluie continue, il y en a d'autres qui peuvent même être inondés. Et ce n'est pas donc le seul problème, il y a même d'autres problèmes qui peuvent survenir pendant cette période. Et donc la Commission nationale est là pour résoudre toute question qui peut survenir. Cet examen donnant accès au cycle post fondamental durera 3 jours du 25 au 27 mai de cette année. Merci. Moïse Misago, des fonctionnaires ayant suivi une formation diplômante, demandent incessamment la régularisation sur présentation des nouveaux diplômes. Propos du secrétaire général et de l'État sont mercredi lors de l'adoption du projet d'ordonnance ministérielle portant mesures d'application du statut général des fonctionnaires en matière de régularisation des diplômes et certificats par le Conseil des ministres. Prosper Nahuami précise que ce projet propose que la régularisation des diplômes soit décidée par le ministre de la fonction publique sur proposition du ministre employeur, du fonctionnaire demandeur. On l'écoute. Le statut général des fonctionnaires prévoit qu'un fonctionnaire peut accéder à la catégorie supérieure par voie de formation ou de perfectionnement sanctionné par un diplôme des niveaux correspondants à l'un de ceux exigés au recrutement dans la catégorie supérieure. La formation diplômante et la formation continue ou le perfectionnement professionnel sont encouragés par la fonction publique car l'objectif de la formation est la valorisation des ressources humaines pour rendre le fonctionnaire plus compétent. Avec l'augmentation des universités, beaucoup de fonctionnaires ont poursuivi des formations et obtenu des diplômes. Ils ne cessent de demander des régularisations sur présentation de nouveaux diplômes. Face à cette situation et en vue de maîtriser la masse salariale, le projet d'ordonnance propose que la régularisation de diplômes soit décidée par le ministre de la fonction publique sur proposition du ministre employeur du fonctionnaire demandeur, tout en indiquant la date de sa nouvelle affectation ainsi que l'identification de la personne à remplacer. Les valeurs de bonification liées au perfectionnement professionnel soit octroyé par décision du ministre de la fonction publique et motivation du ministre employeur du fonctionnaire demandeur, tout en indiquant la plus-value occasionnée par le certificat reçu. La demande de régularisation des diplômes et certificats soit faite dans un délai qui ne dépasse pas 6 mois à compter de la date de réaffectation du fonctionnaire au nouveau poste ou de la reconnaissance de la plus-value. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté le projet avec, entre autres recommandations, de changer le titre en disant « Projet d'ordonnance ministérielle » portant mesures d'application du statut général des fonctionnaires en matière de régularisation des détenteurs de diplômes et certificats obtenus en cours d'emploi, et de distinguer celui qui a suivi une formation étant envoyé par l'employeur et celui qui l'a fait à titre personnel. Celui qui a été envoyé par l'employeur a droit de monter dans la catégorie supérieure s'il y a un poste vacant, tandis que celui qui a suivi la formation à titre personnel ne peut pas y prétendre de plein droit. Sa situation peut, par contre, être tenue en compte en cas de besoin dans le recrutement. Le Conseil des ministres a recommandé une vérification sérieuse des diplômes présentés, car des tricheries sont possibles. L'exemple a été donné pour des cas qui présentent des diplômes d'université obtenus après avoir suivi le cursus ordinaire, non pas de cours du soir, alors qu'ils étaient censés être au service. Pour le cas particulier du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants qui ont obtenu des diplômes supérieurs à ceux pour lesquels ils ont été engagés et qui ont été affectés en conséquence par les directeurs provinciaux de l'enseignement seront recrutés en priorité, mais ne seront pas régularisés pour la période antérieure à ce recrutement. Néanmoins, pour éviter des tricheries, un test sera organisé pour eux. Les militants du parti UPRONA accusés de déstabiliser le parti rejettent toutes les décisions des organes de ce parti actuellement. Isdor Mbayaha, Gandhi Seva Dasigana, explique que le mandat de ces organes a expiré en 2019. Selon lui, la crise au sein du parti UPRONA sera résolue à travers le dialogue et la mise en place des organes issus du consensus. Suivez Isdor Mbayaha, traduit en français par Elini Benibigira. Umuganga wa Dasigana iprona ntugira ugwego na rumwe rurongoye uburongozi bukuru bw'umuganga. Le parti iprona na aucun organe dirigeant. La direction nationale du parti, son mandat a expiré le 14 août 2019. Moi je m'interroge, est-ce qu'un organe qui a perdu sa légitimité car son mandat a expiré peut-il prendre une décision légitime et exécutoire? Donc nous n'allons pas considérer ce qui s'est passé car les organes qui disent avoir formulé ces conclusions ne sont plus légitimes. Parmi les points qui nous opposent figure le renouvellement des organes. Vous apparaissez en coalition avec le candidat du parti UPRONA lors des récentes élections présidentielles que vous avez appelé les Burundais à ne pas voter. C'est comme ça. Et je crois que la décision que nous avons prise de ne pas voter pour lui lors des récentes élections de 2020 a été bien pensée. Et on ne le regrette pas, car la crise au sein du parti s'était déjà déclenchée. De plus, ses projets de campagne n'étaient pas à suivre selon nous. C'est normal en politique. Si on est ensemble aujourd'hui, vous savez, en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Êtes-vous pour la réunification de toutes les tendances du parti UPRONA? C'est plutôt nous qui avons entamé ce processus. Même avant les élections, nous avons dit, ce qui permettrait au parti d'être massivement voté par les Badasigana et d'avoir de bons résultats électoraux, c'est réunifier toutes les ailes du parti. Nous ne regrettons pas et nous ne regretterons jamais d'avoir voté pour le CNDD-FDD, même pour une autre fois, s'il s'avère nécessaire, nous voterons pour son parti. Vous voulez dire que vous cherchez un parti réunifié qui va voter pour les candidats des autres formations politiques? On n'a pas parlé de vote pour d'autres partis. On parlait plutôt d'allégations contenues dans cette déclaration. Que faut-il faire pour résoudre les problèmes au sein du parti UPRONA? Qu'on se mette ensemble pour renouveler les organes du parti qui sont consensuels. La direction nationale du parti UPRONA, après une réunion avec les responsables provinciaux du parti, a déclaré ce vendredi qu'elle va analyser les mesures à prendre contre Levada Segana, Gaston Sindimo, Isidore Mbayaha, Gayani Seniongabo. Ils sont accusés de méconduite en saisissant le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, qui a par après décidé la suspension des congrès de ce parti au niveau communal depuis avril dernier, expliquant que les textes régissant le parti ont été violés. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les 13h passées de 5 minutes au studio de la radio Isanganiro, le journal est continu. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a retiré le Burundi de son ordre du jour. Dans un communiqué de la 993e réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue en date du 27 avril de cette année, ils ont félicité le gouvernement burundais sur les progrès significatifs enregistrés dans la situation politique et sécuritaire au Burundi depuis le début de la crise 2015. Ce conseil réaffirme son engagement à continuer d'accompagner le gouvernement du Burundi. Plus de détails avec Jean-Marie Mayonga. Dans un communiqué sorti, ce conseil se félicite des progrès significatifs enregistrés dans la situation politique et sécuritaire du Burundi depuis le début de la crise en 2015 et félicite le gouvernement, en particulier les dirigeants et le peuple burundais pour l'organisation réussie des élections du 20 mai 2020 et la formation d'un nouveau gouvernement sous conduite de son excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Ce conseil se félicite également de l'amélioration des relations entre le Burundi et ses voisins ainsi qu'avec l'Union européenne et d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il encourage les parties prenantes burundaises à préserver les acquis obtenus depuis la transition pacifique et appelle toutes les parties à adopter l'esprit de tolérance politique pour favoriser la cohésion et la réconciliation nationale. Toujours dans ce communiqué, ce conseil exprime sa gratitude au gouvernement et au peuple burundais pour avoir accueilli la mission d'observateur des droits de l'homme et d'expert militaire de l'Union africaine et pour avoir facilité son travail. Il félicite les pays de la région des Grands Lacs pour avoir accueilli des réfugiés burundais, y compris la Tanzanie, le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, et se félicite du retour progressif des réfugiés burundais à leur pays. Toujours selon ce communiqué, ce conseil signale que le soutien financier, technique et matériel au gouvernement du Burundi, apporté par des membres de la communauté internationale, souligne l'importance d'un soutien international soutenu, et par conséquent, il encourage les autres membres de la communauté internationale qui ne l'ont pas encore fait de lever immédiatement toutes les sanctions et autres formes de mesures punitives imposées au Burundi sans plus tarder envie de créer des conditions propices à un redressement, à une stabilisation socio-économique durable. Ce conseil a décidé, à la lumière des progrès significatifs accomplis et des développements positifs constatés au Burundi, de mettre fin au mandat de la mission d'observateur de droits de l'homme et d'expert militaire de l'Union africaine au Burundi le 31 mai 2021 en conformité avec les règles et règlements administratifs de l'Union africaine et de retirer le Burundi de l'ordre du jour du Conseil. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine termine son communiqué en affirmant l'engagement de l'Union africaine à continuer d'accompagner le gouvernement du Burundi dans ses efforts inlassables pour approfondir et consolider la démocratie et pour construire une paix et une stabilité durables. Le retrait du Burundi à l'ordre du jour du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est annoncé après que même le Conseil de sécurité de l'ONU ait aussi décidé de retirer le Burundi sur son agenda. C'était le 4 décembre 2020. Des habitants de la zone Gitaza en commune et Muruta de la province Rumonge, dont les parcelles sont concernées par l'aménagement d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Kilasa, demande à l'administration locale de défendre leurs intérêts en ce qui est de l'indemnisation. Ils déplorent la rétention des informations selon lesquelles l'indemnité de départ de 4 millions francs par heure serait réduite à 205 000 francs burundais, une somme qui ne leur permettrait pas de se procurer d'une autre parcelle. L'administrateur communal de Muruta reconnaît avoir reçu ses plaintes et rassure qu'il en fait le suivi. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Et Vestine Outoujeté à la présentation. Au revoir après, c'est la revue de presse. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Un voyage scruté à la loupe, rapporte le journal Iwacu, qui parle de la tournée effectuée en Europe par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur Albert Shingiro, dans le cadre du processus de réchauffement des relations diplomatiques entre le Burundi et l'Union européenne et ses États membres. À l'issue de ce voyage qu'il a conduit à Bruxelles, Paris, Genève et Berne, les responsables burundais misent sur la levée des sanctions contre le Burundi avant la fin de 2021, précise son confrère, qui, citant une source proche de ce dossier, ajoute que cette possibilité est crédible. Et concernant la qualité des personnalités qui ont reçu le ministre burundais qui a provoqué quelques commentaires sur la toile, cette source explique toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire que l'accueil réservé à M. Shingiro n'a rien d'anormal puisque le ministre a effectué une visite non pas politique mais technique. Nous lisons également cette fois-ci dans les coulisses de ce journal que 3 médias, dont Iwacu, ont été sélectionnés finalistes du prix One World Media décerné le 17 juin parmi une centaine de médias à travers le monde entier. Les examens choisis un mois avant leur passation, les enseignants ne sont pas rassurés, écrit la voix de l'enseignant, qui précise que le début des examens du troisième trimestre est prévu le 11 juin 2021 et que les enseignants de la direction provinciale de l'éducation à mairie de Bujumbura sont en train de choisir ces examens depuis mercredi 5 mai. Les enseignants disent dans les colonnes de son confrère que les examens choisis plusieurs jours avant leur passation et qui passent par plusieurs mains sont faciles d'être fraudés, que par ailleurs cette façon de faire est antipédagogique car c'est illogique de choisir une évaluation sur une matière qu'on n'a pas encore enseignée. Il révèle que les questions d'évaluation sont ciblées lors de la dispense de la matière. Et pour éviter la fraude et d'autres imperfections, les enseignants à mairie de Bujumbura demandent que ces examens soient choisis par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, comme il se fait pour le concours national et l'examen d'État, conclut la voix de l'enseignant. L'université doit évoluer en synergie avec le développement de la société. C'est ce qu'a déclaré jeudi 6 mai 2021 le professeur Evariste Ngaïmenda, recteur de l'Université du lac Tanganyika, à l'occasion du lancement de la formation modulaire en assurance. Le journal en ligne La Nova, qui rapporte ces propos, précise que l'idée est venue des états généraux du gouvernement burundais tenus en 2018, d'une étude menée par les experts en 2019 ayant révélé un réel besoin de formation à l'endroit du personnel des institutions d'assurance et que cela rentre par ailleurs dans ses missions sociales comme institution universitaire. Revue de la presse. Les voix s'élèvent contre la mauvaise qualité du service Internet, rapporte Burundi Echo. Selon les témoignages recueillis par son confrère, auprès des consommateurs de l'Internet mobile, la qualité du service offert par les opérateurs de télécommunications est mauvaise. Son confrère cite également Jérémy Hageringwe, directeur général de Burundi Backbone System, BBS, qui affirme que le Burundi est désormais doté d'un réseau à large bande permettant d'accéder à la connexion Internet à haut débit. Pour ce qui est de la qualité de la connexion Internet servie aux consommateurs, BBS ne s'en occupe pas. Nous assumons nos responsabilités en entretenant nos outils de production, en l'occurrence la fibre optique, tient-il à préciser dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique. Burundi Echo fait remarquer que pratiquement c'est l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, qui est chargée de surveiller la qualité des services de communication fournis aux utilisateurs. Selon les sources de notre confrère, cette institution ne disposerait pas de matériel nécessaire pour surveiller la qualité du service Internet offert par les opérateurs du secteur. Cependant, un expert interrogé par cet hebdomadaire affirme que la fraude est techniquement possible en offrant aux consommateurs un faux service. Son confrère précise n'avoir pas pu avoir la réaction de l'ARCT pour donner plus d'explications sur cette situation. Enfin, l'agence burundaise de presse nous fait découvrir un jeune entrepreneur opérant en ville de Kayanza qui broie des feuilles de manioc à l'aide d'une machine de fabrication locale pouvant broyer 6 kg par minute. Il s'appelle Obed Manirambona, qui a commencé ce métier en février 2020 après avoir constaté que le métier de serveur dans des restaurants et hôtels ne lui satisfaisait pas, écrit l'ABP. Selon toujours son quotidien, ce jeune homme aimerait aussi avoir un appui financier pour fabriquer d'autres machines de transformation de viande ou des fruits et ainsi réaliser ses rêves en matière d'autodéveloppement. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine.